Au fait, tu voulais raconter comment t'es avec un Conte. Ça va, c'est un nom, tu veux affronter. Tu qu'un trait, tu fous la honte. Je vois que les gens ils sont fous et toi tu veux t'en mêler. Regarde ce que t'as fait pour retrouver Daniel. Et les gens t'aimaient au début, ils ont fini par taire. Don aïe ma santé, que t'allais tous les trahir. Pour t'en sortir, tu m'étonnes, tu gérais bien le réseau. Et puis on finit par vouloir fumer dans ta maison. Tu fais le trait qu'une raison. Le pouvoir, l'argent, un trait comme toi. On souhaite la mort à la prison. Toi tu fais le boss, mais que dans le dos de Jenny. J'avoue pour le baiser, t'as des idées de génie. On t'appelle l'immortel, t'esquifflais pas les grenades. Tu es fort dans l'engrenage, mais tu fermes ta gueule dans les engueulades. Tu prends tout, mais un membre canner les darons. Tu te fais passer pour un bon, pour un mec, y'a qu'une parole, Tiro. Tu m'as choqué comme jamais. J'ai compris maintenant pourquoi tu te fais jamais condamner. Tiro, t'as fait le coin, ils veulent t'interdire de la ville. T'as pas respecté la loi, pourquoi t'as fait ça à la fille? Tiro, t'as fait le coin, ils veulent t'interdire de la ville. T'as pas respecté la loi, pourquoi t'as fait ça à la fille? Tiro, au flic tu voulais raconter Tiro, comment t'es avec un Conte. Tiro, ça va c'est un nom tu veux affronter. Tiro, t'es qu'un trait tu fous la honte. Tiro, au flic tu voulais raconter Tiro, comment t'es avec un Conte. Tiro, ça va c'est un nom tu veux affronter. Tu fous la honte, ça t'envoyait en mission. N'oublie pas tes terrains. Bon, c'est vrai, c'est toi qui faisais le boulot sur le terrain. Tu vois de l'argent facile, je comprends ton appétit. Mais Tiro, pourquoi t'emboucanes les grands quand t'es petit? Ça t'envoyait en mission, n'oublie pas tes terrains. Bon, c'est vrai, c'est toi qui faisais le boulot sur le terrain. Tu vois de l'argent facile, je comprends ton appétit. Mais Tiro, pourquoi t'emboucanes les grands quand t'es petit? Couillant de ton regard vide, si Tiro, tout va vite. Sûrement qu'un jour, tu verras une calage posée sur ta vitre. Pour moi, Tiro, tu n'es qu'un traître. Puis trop t'as mis bien, t'as retourné ta veste. Pourquoi y'a des guerres, tu salades, on en veut guerre. On sait que t'as plus de sentiments et que t'as un cœur de pierre. T'as fait honte à ta deuxième famille. T'as beaucoup d'ennemis et pas trop d'amis. Tu fais confiance à compter, on voit qu'il te russe. Tu te retrouves en galère à jouer à la roulette russe, Tiro. Moi tu m'as déçu, t'en fais confiance et t'as voulu leur monter dessus. Tiro, au flic tu voulais raconter Tiro, comment t'es avec un Conte. Tiro, ça va c'est un nom tu veux affronter. Tiro, t'es qu'un trait tu fous la honte. Tiro, au flic tu voulais raconter commander avec un Conte. Ça va, c'est un nom tu veux affronter. Tu qu'un trait, tu fous la honte. Au flic, tu voulais raconter commander avec un Conte. Ça va, c'est un nom tu veux affronter. Tu qu'un trait, tu fous la honte. Tiro.